très peu car mes potes me manquent. Quand je suis ton père, ne faut pas que tu me mentes. Je veux pas qu'on te regarde dans la rue, n'hésite pas à tirer si on te met à l'amende. Je t'apprendrai tout ce que je connais. J'ai vendu de la drogue pour que tu fasses du poney. Je faisais des trous dans un bonnet, ce que j'ai pas fait pour la monnaie. J'ai fait souffrir ta grand-mère, c'est peut-être pour ça qu'au fond je suis maudit. Que les anges ne m'écoutaient pas quand je fais des prières qu'on me traque la nuit. Si tu savais ce que j'ai vécu, ils ont tué mon pote devant moi. Quand c'était la guerre, mon petit, jamais dit à mon frère défends-moi. Alors écoute bien, mes amis ne coûtent rien. Y'a que des traits des chiens, je te jure, ils veulent pas tant bien. Tristan, écoute bien, mes amis ne coûtent rien. Y'a que des traits des chiens, je te jure, qu'ils ne veulent pas tant bien. Un jour au soleil va se lever sans moi, je sais. J'souris très peu ces temps-ci, au fond de moi, je sais. Enfer, paradis, frérot, les anges m'ont menacé. Mes ennemis sont trop, mais hors de question que je cède. Je ne leur fais pas confiance, si qu'on se plaît, fais de même. Et si je me fais fumer, m'oublie pas, pense à moi demain. J'ai trouvé la lumière, j'ai vu le bout un mois de mai. Le jour de ta naissance, je me suis juré d'être plus le même. Chaque jour que je fais, je vieillis, ma fortune te sera destinée. Demande à ta mère, je faisais des bravos avant de faire du ciné. Elle a halluciné, je lui ai fait la misère, mais elle m'a pardonné. Y'a pas un truc que je peux pas lui donner, elle me connaît. Je suis rentré au star parce que moi, mes amis, je ne les ai pas donnés. Personne t'en rappelle, zéro mandat, mais j'ai fait ma peine. J'ai dit à ma mère, ne viens pas au parloir, mais elle venait quand même. Fiston, je ne vais pas te mentir, avant de partir, j'aimerais me repentir. Les gens avec qui j'ai grandi, c'est ceux avec qui je suis en guerre. Alors j'y reviens. Mes amis ne coûtent rien, y'a que des traits des chiens, je te jure, ils veulent pas tant bien. Tristan, écoute bien, mes amis ne coûtent rien, y'a que des traits des chiens, je te jure, qu'ils ne veulent pas tant bien. Un jour le soleil va se lever sans moi, je sais. J'ouvris très peu ces temps-ci, au fond de moi, je sais. Enfer, paradis, frérot, les anges m'ont menacé. Mes ennemis sont trop, mais hors de question que je sais. Je ne leur fais pas confiance, si s'il te plaît, fais de même. Et si je me fais fumer, m'oublie pas, pense à moi demain. J'ai trouvé la lumière, j'ai vu le bout un mois de mai. Le jour de ta naissance, je me suis juré d'être.